Psaume 64. Psaume de David, donné au maître chantre. Ô Dieu, écoute ma voix quand je m'écrie, garde ma vie de la frayeur de l'ennemi. Tiens-moi caché loin du secret conseil des malins, et de l'assemblée tumultueuse des ouvriers d'iniquité, qui ont aiguisé leur langue comme une épée, et qui ont tiré pour leur flèche une parole amère, afin de tirer contre celui qui est juste, jusque dans le lieu où ils se croyaient en sûreté, ils tirent promptement contre lui, et ils n'ont point de crainte. Ils s'assurent sur de mauvaises affaires, et tiennent des discours pour cacher des lacs, et ils disent, qui les verra? Ils cherchent curieusement des méchancetés, ils ont sondé tout ce qui se peut sonder, même ce qui peut être au-dedans de l'homme, et au cœur le plus profond. Mais Dieu a subitement tiré son trait contre eux, et ils en ont été blessés. Et ils ont fait tomber sur eux-mêmes leur propre langue, ils iront ça et là, chacun les verra. Et tous les hommes craindront, et ils raconteront l'œuvre de Dieu, et considéreront ce qu'il aura fait. Le juste se réjouira en l'Éternel, et se retirera vers lui, et tous ceux qui sont droits de cœur, s'en glorifieront.